De Paul Bourget, Dualité, suite. 7. Cet entretien avait été si rapide, l'incartade de ma compagne si brusque, les sentiments qu'elle m'avait montrés les uns après les autres représentaient un si déroutant mélange d'instincts contradictoires que j'éprouvais une fois seule comme une impression d'avoir rêvé. Je l'éprouve aujourd'hui à nouveau en me rappelant le dénouement non moins extraordinaire de cette extraordinaire aventure. Il est vrai de dire qu'un Anglais se trouve y avoir joué un rôle prépondérant, et j'ai renoncé depuis longtemps à m'étonner de ce que pense et fait un Anglais. Le « Penitus toto divisos orbe Britannos » du poète antique continue d'être vrai pour ces insulaires, d'une vérité qui n'est pas exacte seulement de leur patrie. Elle est de leur âme et de leur façon de penser, qui ne se raccorderont jamais aux nôtres. Ce fut la certitude de cette irréductible différence entre le point de vue anglo-saxon et le point de vue gallo-romain qui me préoccupa durant toute la nuit suivante. Je m'étais engagé à révéler à M. Cobbett le nom véritable de Madame de la Charme et sa véritable situation. J'étais d'autant plus décidé à tenir ma parole que j'avais pu le constater de visu. La mère de Percy avait raison de redouter qu'il ne fût déjà trop tard pour empêcher des fiançailles vraiment criminelles, étant donné les origines respectives des deux jeunes gens. Mais en quels termes présenter la chose au père de la sentimentale Miss Cynthia? Oui, en quels termes? Il m'était odieux de jouer un rôle de dénonciateur. Et d'autre part, la délicatesse dont Blanche venait de faire preuve m'avait touché trop profondément pour que je ne redoutasse point l'expression du mépris dont le major général stigmatiserait certainement la femme galante. Il n'aurait pas, pour la juger, cette indulgence un peu indifférente, mais si humaine, familière à nos compatriotes de la race latine. Décidément, cette déraisonnable fille m'avait confié un trop pénible message. J'eusse estimé pourtant comme peu digne de lui demander de m'en décharger. Et pour fuir jusqu'à la tentation d'une pareille faiblesse, je pris le parti de quitter l'hôtel le lendemain matin, à peine levé, et de faire une longue promenade qui me rendit du calme en brisant mes nerfs. Je serais sûr de ne pas la rencontrer et de ne pas succomber à ce peu viril désir de reprendre ma parole. Je m'éloignai de Rapallo et je suivis dans ses pensées la route qui, par Santa Margherita, contourne le cap, toute blanche entre des oliviers gris. Je ne pus arriver à secouer l'obsession que je fuyais ainsi le long de la mer couleur turquoise. « Turquina, » me dit Umberto le Tangen, que je rencontrais, armé d'un fusil et revenant avec un chapelet de grive sur son épaule. À un moment, cette route monte, laissant à gauche un château construit dans cette mer même, sur un rocher cerné de vagues, et elle aboutit vers l'extrémité du promontoire, à ce couvent de la Cervara, restauré malheureusement, où François Ier fut prisonnier après Pavie. On montre toujours parmi les arbousiers colossaux la fenêtre du roi de France, d'où le prince vaincu interrogeait l'horizon des flots, désespéré de ne voir aucun vaisseau à ses couleurs qui lui apporta la délivrance. Je continuais d'avoir l'âme si troublée par les confidences de sa déraison Madame de Saint-Signe que je m'attendris sur l'accoudement du roi captif à cette croisée. J'y trouvais un symbole de sa nostalgie à elle, nostalgie commune à tous les êtres qu'accable le sentiment de leur impuissance et dont l'agonie implore une aide qui ne viendra pas. L'aide était venue pour Blanche en ma personne. Allait-elle lui manquer? Cette analogie, en m'attendrissant de nouveau le cœur, acheva de me décider à tenir fermement ma promesse. Non, je n'abandonnerai pas cette malheureuse femme. Quant au général anglais, il m'éjugerait, moi, comme il lui plairait. S'il se permettait d'être insolent à propos d'elle, au cours de cet entretien, je lui dirais la vérité brutalement, et que son manque de surveillance sur sa fille était la vraie cause pour laquelle la mère de Percy avait voulu que je l'avertisse. C'était une mauvaise timidité à vaincre, voilà tout. Je la vaincrai. Dans ma fervente reprise de résolution, je décidai de ne pas même profiter des 24 heures de délai demandées la veille. Il valait mieux en finir au plus vite. C'est avec l'énergie de cette volonté très arrêtée maintenant que je redescendis vers Rapallo sous le soleil déjà haut. Il pouvait être 11h30, quand je me trouvais sur le port le long duquel j'avais reçu la veille au soir cette inoubliable confession. En tournant l'angle du mur qui fermait le jardin de l'hôtel, et d'où débordait un sombre feuillage d'orangers chargés de leurs pommes d'or, j'aperçus un omnibus qui montait par la rue du côté de la gare, chargé de malles, sans toutefois distinguer les deux personnes assises à l'intérieur. « Bon, pensais-je, la signora Balbi perd des clients qu'elle a l'air de bien regretter, car la voici sur le pas de la porte avec le Tangen, et tous deux semblent confondus. » L'aimable français se tenait, en effet, comme terrassé au seuil de l'ancien Villino du magnifique de Gênes. Son visage était tout attristé sous ses bandeaux lisses que coiffait un bonnet de veuve à coque blanche. Elle m'eut à peine reconnu qu'elle ne me laissa pas le temps de la questionner. « Quel dommage, monsieur !» gémit-elle, et elle répéta « Quel dommage ! Je vous ai cherché hier au soir pour vous présenter à madame de la Charme. Vous étiez sorti, et maintenant la voilà qui est obligée de partir dardard, sans même pouvoir emporter tout son bagage. Je lui expédierai le reste. Elle a été appelée à Florence par lettre, auprès d'une parente qui était en route pour venir la rejoindre ici, et qui est tombée très malade. Ah, l'aimable dame, monsieur, et qui sait vivre, monsieur, et qui a de l'usage ! Elle pleurait, monsieur, de nous quitter. Son fils avait aussi des larmes dans les yeux. Enfin, elle reviendra l'hiver prochain, si elle ne peut pas revenir dans quelques jours. « Il faut s'accommoder autant, patronne, » dit Umberto en italien. « Bisogna darsi ai tempi, signora padrona. » Et le perspicace personnage ajouta presque bas, en se tournant vers moi, avec un clignement d'yeux qui me prouva qu'il n'était, lui, la dupe, ni de la fausse lettre, ni de la fausse maladie, de la fausse parente, ni du reste, « Pazzo e colun che bada fati altrui. » »« Bien fou est en effet celui qui s'occupe des affaires des autres, » me répétai-je, en remontant vers ma chambre, encore plus mortifiée qu'étonnée de ce départ subi. Y a-t-il, flottant autour de toutes les femmes que l'on sait légères, je ne sais quelle atmosphère de désir qui fait que l'on n'est jamais avec elles absolument simple? Certes, ma conscience ne me reprochait vis-à-vis de Blanche aucune arrière-pensée. Je n'avais pas eu la plus vague intention de hasarder auprès d'elle une ombre de cour à l'occasion du service qu'elle m'avait demandé. Et pourtant j'étais froissée, étrangement, intimement froissée, qu'elle s'en fût allée sans essayer de me revoir. C'est assez mesquin sentiment que je mentionne comme une anomalie de plus dans cette histoire où tout fut anomalie, dura quelques minutes à peine, le temps de monter l'escalier, d'ouvrir ma porte et de voir poser sur la table une enveloppe à mon nom dont la présence m'expliqua le regard singulier du malicieux Tangen. Évidemment, la voyageuse la lui avait confiée, ou bien, si elle était entrée elle-même dans la chambre pour placer sa missive en évidence, quelque domestique avait surpris et rapporté au maître d'hôtel cette démarche clandestine. Elle était pourtant très innocente, aussi complètement innocente que la lettre elle-même, laquelle contenait à peine 10 lignes. Je l'ai transcrit de mémoire très exactement, quoique je n'ai pas gardé l'original. Je dirai pourquoi tout à l'heure. « Vous aviez raison. » Ce n'était pas à vous de parler. Je veux quand même vous avoir remercié de m'avoir promis de le faire. J'ai eu le courage de tout dire moi-même à monsieur C. Et maintenant je m'en vais. Il a été parfait pour moi. Il sait aussi que je vous connais. S'il vous questionne sur mon compte, portez témoignage pour votre pauvre tristesse et maline. Et pas d'adresse, pas d'indication d'endroit. Je ne dis pas où la revoir, mais où lui écrire, quand j'aurais eu avec le général Cobbet cet entretien désormais inévitable. Quelle preuve plus forte aurait-elle pu me donner de son entière sincérité? Si j'avais cru la veille discerner dans sa confession un rien, non pas de cabotinage, mais de complaisance à se raconter, par suite une imperceptible nuance de vanité dans une souffrance pourtant réelle, trait de caractère si féminin, je constatais par ce billet et signé comment que ça avait été, de ma part, une défiance injustifiée. J'allais le constater davantage dans mon entretien avec l'officier anglais. Blanche n'avait cherché à lui produire aucun effet, mais à le renseigner sur son propre compte avec une franchise qui ne permit pas l'équivoque. Dieu, la bizarre conversation, et dont tous les détails me demeurent si présents, si actuels. Je revois en ce moment le regard enquêteur et déconcerté à la fois dont cet homme m'enveloppa quand j'entrais dans la salle à manger pour y déjeuner. Il se préparait à faire une des actions qui répugnent le plus à un gentleman de sa race et de son éducation, parler le premier, et sur une matière infiniment délicate, à un étranger qui ne lui a pas été présenté. Je revois sa fille Cynthia en face de lui, pâle et les yeux rouges d'avoir pleuré. La pauvre enfant aimait donc Percy. et je revois surtout le banc de marbre à l'ombre d'un grand mimosa en fleurs où nous vîmes nous asseoir, le major général et moi, quand, après le déjeuner, il m'eut abordé avec le plus comique mélange de brusquerie et de gêne. « Monsieur, m'avait-il dit, en employant une expression qui manque à notre langue, sans doute parce que nous attachons beaucoup moins d'importance que nos voisins à l'étiquette de certaines relations. Vous m'excuserez si je suis informel avec vous, mais une dame qui était ici hier au soir encore et qui se faisait appeler Madame de la Charme m'a prétendu que vous la connaissiez. J'aurais le plus grand intérêt à contrôler quelques-unes des choses que Madame de la Charme m'a dites, ou plutôt Madame de Saint-Signe. C'est bien son nom. » Mademoiselle Blanche Ragot, rectifiai-je. Madame de Saint-Signe est son nom de guerre, comme nous disons. Je suis prêt, monsieur, à répondre à toutes vos questions, ce qui reviendra, j'en suis sûr d'avance, à confirmer tout ce qu'elle aura pu vous dire. Elle s'appelle elle-même un honnête homme, et elle est vraiment un très honnête homme, si étrange que cela puisse paraître dans son milieu. Alors, c'est bien vrai qu'elle est une personne de ce que vous appelez le demi-monde. Nous n'avons pas cela en Angleterre. Involontairement, le pli de sa bouche exprima le mépris que ses compatriotes professent pour le vice continental, et en particulier français. Pourtant, j'ai assez voyagé pour me rendre compte que c'est une société comme une autre, et qui a sa classe d'en bas et sa classe d'en haut, sa lower class et son upper class. Alors, Mademoiselle Blanche serait quelque chose comme Camille dans La Dame aux Camélias. Le brave général hochait la tête avec la plus plaisante affectation de compétence en prononçant le nom que les traducteurs de son pays donnent à la Marguerite Gautier du célèbre drame. Il l'appelle Camille, à cause sans doute de Camélia, prononcée à leur guise, à moins qu'il n'ait voulu affirmer une fois de plus la radicale antithèse entre leur île et le continent, antithèse qui va du petit au grand. Elle veut que, par exemple, leur voiture prenne la gauche, tandis que les nôtres prennent la droite, qu'ils boivent du champagne sec, tandis que nous buvons du champagne doux, qu'ils se marient en redingote et nous en frac, qu'ils ferment leur théâtre le dimanche, tandis que nous ouvrons deux fois les nôtres ce jour-là, et le tout à l'avenant. Nous appelons l'héroïne de Dumas Marguerite, et lui ont donné un autre nom. Cela va avec le reste. Je répondis donc sans entreprendre de rectifier cette fois l'allusion de mon interlocuteur. Une Camille, si l'on veut, avec la différence des temps. À coup sûr, elle est de ces femmes qui valent mieux que leur position ne l'indique. Il y a beaucoup de chrétiens dont on ne pourrait pas en dire autant, fit le général. Mais me permettez-vous de vous poser une question, ajouta-t-il. Y a-t-il longtemps que vous la connaissez ? Quelque 15 ans, répliquai-je. Et vous la voyez souvent ? Presque jamais. Je dînais avec elle vers 1883 avec un ami qui est mort et qui, lui aussi, n'était qu'un camarade pour elle. Et puis, je l'ai un peu perdu de vue. Pourtant, vous l'aviez bien reconnue hier soir. Assurément. Et vous ne l'avez pas saluée ? Je savais qu'elle était inscrite sous un faux nom et que, par conséquent, elle tenait à passer incognito. Elle vous a reconnue, elle aussi ? Assurément. Et ne croyez-vous pas qu'elle a pensé que vous pourriez dire son vrai nom à quelqu'un dans l'hôtel, à moi, par exemple ? Je le regardais. Je vis distinctement dans ses yeux clairs le soupçon qui guidait cette espèce d'interrogatoire. Son évidente ignorance de la vie galante ne lui permettait pas de se former une idée exacte du genre d'existence menée par Blanche. Mais en véritable homme de son pays, il coulait à fond un fait positif. « A matter of fact », comme ils disent, avec cette intraduisible expression qui concrétise encore la réalité. Il voulait savoir si Blanche avait agi spontanément ou par calcul en lui disant qui elle était. Pour toute réponse, je pris le billet d'adieu de la pauvre fille et je le lui tendis. « Lisez cette lettre, lui dis-je, et vous verrez qu'elle m'avait supplié elle-même de vous apprendre toute la vérité sur son compte. Si elle vous a parlé en personne, c'est qu'elle a vu que cette démarche m'était par trop pénible. « Voulez-vous me permettre de garder ce papier ?» me demanda le général après un silence. Et comme je lui avais répondu oui, il prit ma main qu'il serra vigoureusement avec un merci qui me prouva combien cette enjôleuse de Blanche avait pénétré avant dans ce cœur rude et jeune. Il eût trouvé si dur de la mépriser qu'il m'était ingénument reconnaissant de lui avoir épargné cette souffrance. « Alors, reprit-il, puisque vous ne l'avez pas revue avant son départ, vous ne savez pas comment s'est terminé mon entretien avec elle. Voici, vous savez que nous autres Anglais, nous sommes un peu des citoyens de l'univers. Nous avons un climat si mauvais qu'il faut bien y remédier comme nous pouvons. » C'était, cette critique sur le climat de sa patrie, un maximum de concessions que le digne homme allait me faire payer aussitôt. « Vous ne vous étonnerez pas trop que je me trouve avoir une grande exploitation aux îles Bahamas, mais savez-vous seulement où c'est ?» Et comme j'avais répondu oui, il continua avec un visible étonnement qu'un Français eût quelques notions de la géographie américaine. « Ce sont des terres qui me viennent d'un oncle. Il avait été envoyé là-bas pour sa poitrine, et il s'était pris de passion pour ce pays. Il est mort et j'ai hérité ce bien. » J'ai des raisons de croire que je suis volée par mes gérants, et j'ai pris le parti d'y aller moi-même. Je renverrai Miss Cobbett en Angleterre à la fin du mois, et je prends le bateau allemand qui part de Gênes pour New York. Ensuite, on s'embarque à Jacksonville. J'ai proposé à Madame de Saint-Signe de prendre son fils avec moi. Je le laisserai aux Bahamas en apprentissage, et si cette vie lui convient, je l'établirai comme régisseur à la tête de cette propriété. Il pourra y faire sa position. Je suis un businessman, voyez-vous, quoique soldat, moi aussi. Ce serait encore plus utile pour moi que pour le jeune homme. » Et la mère, qu'a-t-elle répondu ? Interrogeai-je. C'est si loin, et elle aime tant son fils. Justement, reprit le général en rougissant, comme s'il avait eu l'âge de Percy lui-même. Je lui ai offert de partir avec nous et de rester là-bas, avec son garçon. Elle m'a demandé 8 jours pour réfléchir, mais je compte bien que nous nous embarquerons tous les trois. » Et il ajouta, en donnant à cette fin de phrase un ton impossible à reproduire, tant l'humour s'y mélangeait au prêche. C'était une boutade, et c'était tout un projet de rachat par la maternité. Il n'y aura plus ni de Madame de Malines, ni de Madame de Saint-Signe, ni de Mademoiselle Ragot, il prononçait Régotte. Il n'y aura plus que la mère de Percy. 8. Sa volupté, Madame de Saint-Signe, dite Tendresse et Maline, aux îles Bahamas, mère d'un colon et sauvée par la philanthropie d'un major général de Sa Majesté britannique. Quelle solution follement inattendue pour une existence traînée durant 20 années dans les divers décors de la grande fête parisienne. Restaurants à la mode et salles de théâtre, champs de courses au printemps et à l'automne, terrasses de Monte-Carlo en hiver, plage de Trouville ou casino d'Aix-les-Bains en été, salons d'essayage des modistes et des lingères en vogue et chambres à coucher dignes des chapeaux, des robes et des jupons élaborés par ces artistes. Une pareille saute de destinée n'avait pu être possible, je le répète, que par la rencontre de la plus fantaisiste des bohémiennes avec un Anglais. Il n'y avait vraiment qu'un Anglais capable d'être à la fois pensionnaire de la signora Balbi Arapalo et propriétaire d'un domaine aux Bahamas, le tout aussi naturellement, aussi simplement qu'un habitué de café de la Canebière à Marseille possède un cabanon sur la corniche, ou le commerçant assis au comptoir d'une boutique rue d'Aboukir à Paris, une bicoque à bois colombe. Il n'y avait qu'un Anglais pour avoir conçu, sans dire ouf, cette entreprise tout ensemble cocasse et sublime, romanesque et positive, de rédemptorisme exotique, dont celui-ci m'avait, avec un admirable flegme, résumé d'un mot le programme. Et de même, il n'y avait qu'une Blanche, dans le demi-monde, capable de tenir pendant des jours et des jours le rôle d'une veuve pas très fortunée, mais irréprochable, en villégiature avec son fils, au point de provoquer chez un personnage aussi pénétré de respectabilité que le père de Miss Cobbett un intérêt assez puissant pour aboutir à cet accès d'apostolat. Je la voyais déjà tentée elle-même par le paradoxe de cette fin de vie, acceptant l'offre du général, embarquée sous son nom vertueux à bord du transatlantique allemand, édifiant les passagers par sa tenue, présidant à quelques fêtes de charité en faveur des pauvres matelots. Puis, à New York, effarée et divertie par le tumulte des rues, puis, à Jacksonville, s'embarquant sur un autre bateau en partance pour ces mystérieuses Bahamas dont j'entendais parler chaque jour quand je voyageais en Floride. Et le paysage semi-tropical que j'ai tant aimé s'évoquait devant ma rêverie. Une mer trop bleue entre des cocotiers colossaux chargés de fruits gros comme des têtes d'enfants, des chèvrefeuilles plus hauts que des hommes, un monstrueux entrelacement de lianes autour des chênes verts, des champs d'ananas exhalant sous le soleil un arôme enivrant, des vallées entières de cannes à sucre, et sur la terrasse en bois, la piazza, c'est le mot, là-bas, d'une maison cachée parmi la poussée des gigantesques végétations, blanche, dans un hamac, en train de se souvenir et de regretter peut-être son enfer dans son paradis. Elle avait si bien dit « j'aime la vie, j'aime ma vie ». Et c'est vrai qu'il y a un tel attrait pour les nerfs dans les sensations puissamment contrastées où elle s'était meurtrie et ravie, déchirée et enivrée depuis des années. Je n'avais donc pas douté une seconde qu'arriver à cet âge si dangereux pour une femme de sa classe, qui marque la fin de la jeunesse, elle n'accepta la chance inespérée, invraisemblable, qui lui était offerte si magnanimement, si naïvement aussi. Quand le général quitta Rapallo 2 jours plus tard pour reconduire sa fille en Angleterre, avant de revenir s'embarquer à Gênes, j'étais bien persuadée qu'il trouverait au jour du départ le jeune Percy et Blanche prêts à l'accompagner. La tentation me vint d'aller moi aussi assister à ce fantastique exode. Et puis, je pensais que cette démarche serait une grosse faute d'orthographe envers la charmante femme et son bienfaiteur. Évidemment, celui-ci était le plus généreux des hommes. C'en était aussi le plus irréel, par certains côtés, le moins capable de se figurer dans sa vérité la vie de plaisir à Paris. Cependant, il en savait assez pour que toute présence qui lui rendrait comme concret ce passé de sa protégée lui fût odieuse. Je m'abstins donc d'être là, sur le quai du Vieux Môle, le matin où je savais que le feld-marshal Moltke, c'était le nom du paquebot, partait de Gênes. D'ailleurs, le travail pour lequel j'étais venu m'exiler à l'Albergo Balbi, Gia del Leone, devint de plus en plus pressant. Il m'absorba bientôt au point de me faire oublier et les complications sentimentales de la pseudo-madame de la Charme et l'idylle de Cynthia Cobbett avec le jeune Percy et l'étonnante charité du major général en retraite. Cette besogne finie, je ne pus résister à l'éternel attrait de la Toscane trop voisine. Je m'y attardais si longtemps que j'étais encore à Sienne, au mois de juin, mal placée, on en conviendra, pour avoir des nouvelles du monde et du demi-monde. Le hasard voulut qu'à mon retour, je ne rencontrasse aucun des camarades qui me permettent, une ou deux fois l'an, de reprendre contact avec le Paris qui s'amuse. Et puis, en eussé-je rencontré un que j'aurais considéré comme sacré la confidence de la pauvre tristesse et maligne. On jugera donc de mon étonnement lorsque, assis à l'orchestre du Théâtre français, cet automne, pour assister à la reprise du Pardon, ce petit chef-d'œuvre de marivaudage amer, où Jules Lemaître a peut-être écrit son chef-d'œuvre tout court, j'aperçus dans une des baignoires d'avant-scène, celle de droite, qui, Madame de Saint-Signe, elle-même. Ses cheveux châtains à reflets blonds étaient délicieusement coiffés du plus joli turban de tulle vert pâle qu'est chiffonné la mode de cette année. Et son buste, resté tout jeune, était pris dans un véritable ruissellement de paillettes assorties à la nuance du chapeau qui chatoyait sur un fond d'étoffe d'argent. Ses manches transparentes laissaient voir le galbe délicat de ses bras frais. Elle avait auprès d'elle, dans sa loge, par une coquetterie d'une jolie impertinence, une fille de 22 ans peut-être, une débutante, dont l'éclat ne la vieillissait pas trop. Son spirituel et fin visage suivait avec un éveil étonnant d'intelligence la prose cruelle et tendre que les deux actrices alors en scène, Mesdames Barretta et Barthet, disaient si bien, elle qui a tout juste appris l'orthographe. Que nous étions loin du major général, de la signora Balbi, du Tangen et de Rapallo, et de Rapallo. Cette fois, la curiosité fut plus forte que la discrétion, et je m'arrangeai à l'entracte pour passer devant la baignoire où elle était en train de s'éventer en causant. Elle me vit. Sa mobile physionomie exprima un saisissement. Elle pâlit et rougit tour à tour fortement, et de loin, elle me fit signe d'approcher. « Venez dans ma loge, » dit-elle, « je voudrais vous parler. » Je la trouvai, quand on m'eut ouvert la porte, dans une espèce de petit salon en retraite qui faisait le fond de la baignoire. Elle avait sans doute dit à son amie et aux deux hommes qui l'accompagnaient de ne pas nous déranger, car nous restâmes seuls pendant les quelques minutes que dura ma visite. Le temps de mettre un mystère de plus sur un mystère et de redoubler pour moi la sensation d'une énigme de cœur que j'ai dès le premier moment renoncé à élucider. « Vous avez eu l'air bien étonné de me voir, » fit-elle en hochant sa jolie tête. « Vous avez donc su que j'avais dû partir, et pour où ?» Le général Cobbet m'avait dit qu'il vous avait offert de vous emmener avec votre fils aux Bahamas, répondis-je. Mon fils y est, dit-elle, avec un singulier accent de mélancolie. Et moi, j'ai eu l'idée de les suivre un moment, et puis j'ai compris que je ne pouvais pas, que je ne devais pas. D'abord, et un sourire malicieux creusa une fossette dans sa joue gauche. Cet excellent général était plus amoureux de moi, sans s'en douter, que je ne vous l'ai dit. Il s'en serait aperçu en route ou là-bas, et tout aurait mal tourné. Et puis, cette fois, sa bouche avait pris un pli amer, je sais très bien, voyez-vous, que je ne suis pas digne de vivre avec Percy. J'aurais trop souffert auprès de lui de tout ce que je n'aurais pas pu lui dire. Quand je le voyais 15 jours par an, la joie de la présence était plus forte. Elle ne l'aurait pas toujours été. J'en ai fait un homme qui ne saura la vérité s'il la sait jamais qu'à l'âge où l'on peut pardonner, parce que l'on comprend. C'est tout ce que je pouvais. Le général m'écrit qu'il est très content de lui. Il réussit admirablement. Il s'intéresse déjà à toute l'exploitation. Que cela continue et son avenir est assuré. Si je ne suis plus là dans quelques années, qui sait si le mariage avec Cynthia ne se fera pas? Tranquillisez-vous, je n'ai pas changé d'idée sur le suicide et je n'ai aucune idée de me tuer. Mais on peut mourir naturellement, cela arrive. Et puis, il y a tant de manières de disparaître, même vivante, quand votre miroir vous dit qu'on a fini son temps. Soyez sûr que j'en choisirai une qui ne vous gâte pas l'image que je voudrais que vous conserviez de moi, puisqu'il se trouve que vous savez tout. Et, mutine de nouveau, il y a encore une raison qui m'a empêchée de partir. Elle avança son pied et, relevant le bord de sa jupe, elle me montra son bas de soie à jour et le volant de dentelle de son jupon. Puis, faisant froufrouter l'étoffe, « C'est tout cela que je veux encore porter pendant les 2 ou 3 ans qu'il me reste à être jolie. Je vous l'ai avoué là-bas, et c'est toujours vrai. J'ai aimé, j'aime le luxe, follement. J'aime mon fils pourtant, » ajouta-t-elle dans un soupir. « C'est toujours tendresse, Emmaline. » Je pouvais voir qu'à travers ce mélange singulier de plaisanteries et de confidences, elle s'énervait de phrase en phrase, presque de mot en mot. De larmes soudain lui jaillirent des yeux qu'elle me montra d'un geste pitoyable. Et, avisant à son corsage un bouquet d'orchidées, elle dit « C'est ma fleur préférée. On l'appelle le sabot de Vénus, n'est-ce pas ?» Elle en brisa une et, ramassant dans la petite capsule qui termine la corolle une nouvelle larme qui coulait sur sa joue, elle me tendit la fleur en ajoutant, avec un mélange inexprimable de maniérisme et de sensibilité, un sabot de Vénus, c'est tout ce qu'il faut pour les larmes d'une madame de Saint-Signe. Elle souriait, et voici qu'elle éclata en un sanglot convulsif. « Je me suis jurée, disait-elle, que je ne le reverrai jamais. Mais que c'est dur, que c'est dur !» Et pour finir, elle tira de sa poche une boîte à poudre en or, de la forme d'un étui à cigare, incrusté de saphir, un de ces absurdes bijoux où se trahit la prodigalité folle des existences comme la sienne. Avec la houppette, elle se mit à effacer furieusement la trace de ses larmes en se forçant à rire de nouveau, et elle répétait « Non, ils ne verront pas que j'ai pleuré, ils ne le verront pas. » Puis, comme on frappait pour annoncer le lever du rideau, « Adieu, » fit-elle, avec un accent soudain sérieux et presque gravement triste, « quand vous me rencontrerez, ne me reconnaissez pas. » Je vous devais de vous raconter comment tout cela avait fini après que vous vous étiez si gentiment mis à mon service là-bas. Mais je sens que cette conversation m'a trop fait mal, mal dans mon cœur, mal dans ma chair. Ne m'en veuillez pas de ce que je vous dis. » Elle eut une reprise de grâce navrante dans cette tristesse. « Ne m'oubliez pas tout à fait non plus et gardez la fleur. Vous avez là tout ce que la pauvre misère et maligne aura eu de bon. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est très propre. Je vous jure, un sentiment vrai dans n'importe quel monde. Allez, ce n'est pas rien. » Décembre 1898. Ici se termine Dualité de Paul Bourget.